Et voici maintenant une capsule de la série « Quand la mort se fait originale », présentée par Régis Solry sur les ondes de C'est fou. Un florilège de morts étranges pour conclure la série. Pour conclure cette série sur les morts originales, quoi de mieux qu'un rapide tour du monde? Car si la mort ne connaît pas de frontières, l'originalité n'en connaît pas davantage. Première escale, le Caire, en Égypte. Un poulet tombe dans un puits de 20 mètres de profondeur. Un jeune homme de 18 ans plonge alors pour récupérer la volaille, puis sa sœur et ses deux frères font de même. Aucun ne sachant nager, deux voisins plongent à leur tour pour tenter de leur venir en aide, mais vainement. Bilan du sauvetage, 6 morts par noyade. Le poulet a quant à lui été retrouvé vivant lors du repêchage des 6 cadavres. Deuxième escale, Toronto, et plus précisément le 24e étage du Toronto Dominion Center, 9 juillet 1993. L'avocat Gary Hoy veut rassurer ses collègues sur la solidité des vitres. En guise de démonstration, il se jette contre une fenêtre dont le cadre se détache. L'homme de loi s'écrase au sol 24 étages plus bas. Même ville, même année. Stéphane Mako, 55 ans, veut nettoyer une cabane d'oiseaux sur son balcon. Pour l'atteindre, il se met debout sur sa chaise roulante qui, comme son nom l'indique, roule, frappe la rambarde du balcon et précipite le pauvre homme du 23e étage. Troisième escale, les États-Unis. Michael Anderson Godwin avait passé 7 années dans le couloir de la mort d'une prison de la Caroline du Sud quand sa condamnation à la chaise électrique avait été finalement commuée en détention perpétuelle. Au mois de mars 1989, il bricole son poste de télévision pour le réparer. Assis sur la cuvette métallique des toilettes, il dénude un fil avec ses dents et meurt électrocuté. Il avait échappé à la chaise électrique, il n'échappa pas à la chaise percée électrique. Toujours aux États-Unis, un sergent de l'armée de l'air réussit, on ne sait comment, à se procurer un JATO, sorte de réacteur utilisé pour assurer une poussée supplémentaire lors du décollage des gros porteurs militaires. Il installe le réacteur sur sa Chevrolet Impala, trouve une route désertique et allume l'engin. On retrouvera des fragments de son corps dans un cratère creusé dans une falaise à 38 mètres au-dessus du niveau de la route. Un dernier exemple au pays de l'oncle Sam, Ken Charles Barger, 47 ans, entend sonner son téléphone en pleine nuit. Mal réveillé, il prend ce qu'il croit être son combiné, en fait son Smith & Wesson 38 spécial, et il se tire une balle dans l'oreille. Dernière escale, l'Espagne. Marino Malherba est un passionné de chasse. Il voit un cerf sur un rocher, tire et le tue. Mais l'animal tombe sur le chasseur et l'écrase, le tuant sur le coup. Prudence donc, car la grande faucheuse ne manquera jamais d'imagination. Vous venez d'entendre une capsule de la série « Quand la mort se fait originale », présentée par Régis Solry sur les ondes de C'est fou.